Music and the City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présentée par Jérôme. Bonsoir les amis, on se retrouve pour un nouvel inédit de votre capsule musicale hebdomadaire sur Fadjet, votre Music and the City. Et une fois n'est pas coutume, on va s'attarder aujourd'hui sur 5 artistes de la semaine et ces 5 titres que vous connaissez ou que vous allez peut-être découvrir justement ce soir. À voir. Un programme de composition avec une voix d'or anglo-saxonne, une star de la série Glee et notre Mylène nationale. De quoi se mettre en forme pour bien démarrer la semaine un peu étouffante. On débute avec la découverte de la semaine passée, c'était nos amis suisses des Beyond the Door, souvenez-vous. Alors après avoir chanté une ode à l'amitié lundi dernier avec le titre Paloma, ils reviennent ce soir avec la thématique du « C'est trop beau pour être vrai ». C'est une chanson au sample inoubliable qui va vous rester dans la tête. Un vent de fraîcheur souffle dans les studios de Fadjet, « Too good to be true » des Beyond the Door. Icon de City vous fait découvrir des thèmes ensoleillés sur Fadjet. Je vous ai déjà parlé de Lena Katina, ex-membre du groupe Tattoo, qui poursuit une carrière solo depuis le début des années 2010. Si aujourd'hui un nouvel album en préparation va succéder au premier sorti il y a déjà 4 ans, on a aussi connu la jolie chanteuse rousse dans les mêmes années, hein, 2012, 2013, 2014, avec des collaborations en featuring. Vous savez, ces featuring, ce sont des artistes qui invitent d'autres artistes sur leurs propres compositions. Et si on a pu la découvrir avec le chanteur russe Tequila, alors Tequila en deux mots, hein, parce qu'en un seul ça fait un peu, voilà, hein, tutut. Lena Katina a également rejoint la chanteuse italienne Noemi Smora en studio et sur scène pour partager les paroles de la chanson Golden Leaves. C'est un titre très frais qui laisse le corps s'exprimer dès les premières notes, j'en suis persuadé, vous allez danser à la maison et vous allez apprécier sans plus attendre dans cette émission cette découverte. Parce que Music and the City, c'est ça, c'est de la découverte toutes les semaines. Music and the City. Évadez-vous vers d'autres horizons musicaux sur Fadjet avec Jérôme. Remontons quelques années en arrière, si vous le voulez bien, à l'époque de nos séries télévisées américaines le samedi soir. sur une certaine chaîne M6, hein, pour ne pas la citer, la trilogie du samedi. Je vous parle de la série Roswell, comme ça, à tout hasard, et surtout de son générique. Vous allez immédiatement, dans ce cas, penser à la chanteuse anglaise Dido, et vous aurez bien raison. Débarquée à la fin des années 90, avec son timbre de voix divin, un peu cristallin, et surtout ses ballades romantiques, parfois un peu plus sombres aussi, il y en a eu, la jolie chanteuse s'est surtout fait connaître pour son duo avec le rappeur Eminem sur le titre Stan, un titre qui était issu du premier album ou deuxième album d'Eminem, je sais déjà plus. Et surtout, c'était un sample d'une chanson de Dido de son premier album, l'album No Angel, la chanson Thank You, qui est peut-être connue également. Les années ont un peu rendu discrète l'artiste, c'est vrai, mais on n'en a pas oublié pour autant ce premier album, No Angel, qui renfermait de sublimes chansons. Hein. Il y avait Here With Me, donc la chanson de Roswell, mais il y avait aussi Hunter, un joli single d'ailleurs avec un très beau clip, souvenez-vous. With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you were a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you own wants to be a hunter again. I want to see the Évadez-vous sur Fadjet dans Music and the City. Ce n'est plus un scoop pour personne. L'information a été relayée dans les médias, sur Internet. Elle revient. La superstar internationale Britney Spears sera de retour le 21 juin, soit dans une poignée de jours, avec un tout nouveau single. D'après les rumeurs, les premières rumeurs sur Internet, le titre s'appellerait Apple Pie et proviendrait d'une session d'enregistrement de l'album Glory de 2016. Peu d'autres informations ont filtré sur les internets, mais je peux vous dire que la patience est là, tout du moins de mon côté, mais également des fans, bien sûr. Un nouveau titre qui arrive, un nouvel album qui est en train de se terminer, et une tournée européenne pour cet été. Mais que demander de plus ? L'ex-petite fiancée de l'Amérique est en phase de réveil, il était temps. L'occasion de rappeler également que bon nombre d'artistes ont rendu hommage à la carrière de Britney à travers ses 20 années de carrière. Oui, parce que cette année, c'est les 20 ans de l'album Baby One More Time. Alors, ces hommages, on va dire que c'est passé de la reprise de chansons à la transformation physique, oui, parce qu'il y a une drag queen dans l'émission RuPaul qui est le sosie officiel de Britney Spears, incroyable. Et il y a également eu aussi les hommages à la télévision, comme dans l'excellente série musicale Glee. Et c'est à travers deux épisodes entièrement consacrés à la pop star que les acteurs ont repris tous les plus grands tubes de Spears dans des versions revisitées, remasterisées, réenregistré, et franchement c'est super bien foutu. Comme pour la chanson Oops I Did It Again, qui a été reprise par Léa Mitchell dans le second épisode qui a été diffusé, je crois, lors de la saison 4. Et que je vous propose tout de suite, mais alors attention parce que vous n'allez pas du tout reconnaître l'original. Tout est changé. Ah. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby. I'm dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? Oops, I did it again. I played with your heart. Music and the City sur Fadjet. Brooklyn, this is WCDA. Are you there? Elle est une icône depuis plus de 30 ans. Elle n'a plus rien à apprendre de personne. Elle collectionne les disques d'or, les disques de platine sur presque tous ses albums, ou même sur presque tous ses singles, mais également ses albums live. Elle est la seule en course aujourd'hui à pouvoir prétendre un jour égaler ou dépasser le record de concerts sold out à Paris-Bercy qui est détenu jusqu'alors par Dorothée. Mylène Farmer, c'est notre chouchoute. C'est notre star à nous, on ne la prête pas. Véritable idole auprès de la communauté LGBT, véritable touche-à-tout également. Chanteuse, comédienne, auteur, compositeur, écrivain. Bon, ces dernières années, c'est un petit peu plus plat. Alors pas au niveau des ventes, attention, mais de l'inspiration. À en juger par le premier single de son dernier album sorti il y a 3 ans. Un duo avec Sting, bon, ouais, pourquoi pas. Mais en fait, c'est une reprise d'un ancien titre du chanteur. Mais pourquoi ? Pour l'originalité, merci, on repassera, madame. On va pas s'arrêter quand même sur cet a priori, la chanson est très bonne, la reprise surtout est bonne, par un jeune remixeur d'ailleurs, un remixeur français, s'il vous plaît. Alors, comme c'est vraiment efficace, eh ben c'est Stolen Car de Mylène Farmer et Sting. Et c'est tout de suite, chers auditeurs, et c'est pour vous. Late at night in summer heat, expensive car on an empty street. There's a wire in my jacket, for this is my trade. It only takes a moment. Don't be afraid, I can hotwire an ignition. Some kind of star, just a poor boy in a rich man's car. Et le moteur s'allume enfin, nos vies s'enlacent. And we drive into the night. Oh, le cuir doux s'en mêle, affole ton imagination. Je te vois déjà dans une autre situation. Tu es company director, une vie de famille. J'ai ce feeling qu'il y a bien plus de choses à dire. There's some kind of complication. Il lui dit, he's alone, spends the night with his lover. Il y a des traces on her cologne. Tous les mots de sa maîtresse à l'oreille sont des tours, comme une chanson d'amour. Just if we dance it tonight. In the City sur Fadjet. L'émission se termine avec Mylène Farmer, Sting, Stolen Car. Comme toutes les semaines, Vous le savez à force, on se retrouve sur le Facebook Fadjet-Music and the City pour avoir l'occasion de voir les clips des chansons ce soir, également le podcast. Et aussi le samedi à 18h30, vous avez la possibilité de réécouter l'émission sur Fadjet, tout simplement. En tout cas, moi, je vous prépare une petite surprise, non pas pour la semaine prochaine, ce sera une émission inédite, bien sûr, mais pour le samedi 30, réunion des animateurs et grande journée à Fadjet, puisqu'on vous prépare un petit quelque chose hyper sympatoche avec Gaël de Vinyl Maniacs. Et ça enverra du lourd, du lourd, du lourd. En tout cas, ça va gratter dans les platines. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée, un bon appétit et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.